chacha. Mais ce j'ai comme d'habi qu'on dit un sauvage, un sauvage. Yalo so clean, nous les la first class, baby, ou ni trop style. Mais on va les taper, creepy, don't be deal. Nobody pass off, ça me car au senti. Yo dis un trop sensible, trop romantique. Ça me y'a moins qu'à d'accord, on ralentit un trop spin. Fais-moi un signe, parlez, c'est moi un souci. Bon, c'est vous si ça, on va d'accord, baby. J'en ai besoin. Presse magique, ah ouais. Police capette contre le dealer qui a stop traffic. Comme où c'est dynamique, tout le monde en mode panique. Est-ce ni mot pour définir qui j'en ou volcanique? Moi, slow motion, moi, black à des sons tight. Trop émotion, qu'elle a capatiolé. Mais en dévotion, bah, qui va ni pour faille. En excitation, qui est passé si les détails. Moi, slow motion, moi, black à des sons tight. Trop émotion, qu'elle a capatiolé. Mais en dévotion, bah, qui va ni pour faille. En excitation, s'il te plaît, négociant. Baby, et vous peut-être tout qu'à mentir.